très très bon ce titre, on adore et on chante derrière notre micro, heureusement, ils sont toujours sur off, heureusement pour vous en tout cas. Merci pour votre fidélité, c'est Cité Sortie jusqu'à 16h et je vous propose justement de découvrir une nouvelle idée sortie, un nouveau bon plan en Touraine qu'on a sélectionné rien que pour vous et c'est tout de suite sur Cité Radio. Cité Radio, les bons plans. Du 3 au 28 octobre, rendez-vous à la parenthèse de Ballan-Miré pour découvrir l'exposition « Il était une fois l'espace » de Jean Barbeau. Ce nom ne vous dit pas grand-chose, mais c'est pourtant à lui que l'on doit les personnages des séries « Il était une fois » diffusées à la télévision dans les années 80. Beaucoup de dessins seront présents sur les murs de la médiathèque, montrant ainsi des personnages comme Pierre, Maestro, le Teigneux et le Nabot. C'est une exposition pour tout public, totalement gratuite et visible aux horaires de la médiathèque. C'est donc à ne pas manquer du 3 au 28 octobre à la parenthèse de Ballan-Miré et vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site laparenthèse-ballan-miré.fr. Et puis restez branchés, retour à la programmation sur Cité Radio, belle journée. L'info locale, c'est sur Cité Radio à Saint-Cyr ou à Saint-Pierre-des-Corps sur le 89.3. Et retour en musique sur Cité Radio avec Slimane et Claudio Capeo pour le titre « Chez toi ». Je chantais mes peines sur le banc de la cité. Je rêvais de Paris et d'en faire mon métier. Et quand venait l'été, je traversais la mer. Faut savoir d'où tu viens, mon fils, comme disait mon père. Je chantais dans ma chambre, j'avais fermé la porte. Je criais mes démons, que le diable les emporte. Et quand venait l'été, je traversais la mer. Un diamant, une machine, comme le disait ma mère. Comment c'est chez toi, mon frère? Pas si différent, mon frère. Je t'aime même si j'en ai pas l'air. Mais c'est mieux quand t'es là, beaucoup mieux quand t'es là, mon frère. Comment c'est chez toi, mon frère? Pas si différent, mon frère. Je t'aime même si j'en ai pas l'air. Mais c'est mieux quand t'es là, beaucoup mieux quand t'es là, mon frère. Les boulevards effrayants, les pavés de Clichy, le petit menuisier accompagné de ses amis. Et si c'était là-bas que je crierais mes démons, qu'on se retrouvera tous les deux à faire les cons. C'était la dernière chance, un dernier rendez-vous. Les rêves c'est fatigant, mais moi je tenais le coup. Et si c'était là-bas qu'on entendait mes peines? Et si c'était comme ça que la vie est plus belle? Comment c'est chez toi, mon frère? Pas si différent, mon frère. Je t'aime même si j'en ai pas l'air. Mais c'est mieux quand t'es là, beaucoup mieux quand t'es là, mon frère. Comment c'est chez toi, mon frère? Pas si différent, mon frère. Je t'aime même si j'en ai pas l'air. Mais c'est mieux quand t'es là, beaucoup mieux quand t'es là, mon frère. Tous nous séparer, ils diront que c'est pas vrai. Mais je t'aime quand même. Tous nous séparer, ils diront que c'est pas vrai. Mais je t'aime. Comment c'est chez toi, mon frère? Pas si différent, mon frère. Je t'aime même si j'en ai pas l'air. Mais c'est mieux quand t'es là, beaucoup mieux quand t'es là, mon frère. Comment c'est chez toi, mon frère? Pas si différent, mon frère. Je t'aime même si j'en ai pas l'air. Mais c'est mieux quand t'es là, beaucoup mieux quand t'es là, mon frère. Et ça, c'est les derniers titres français que vous écoutez, bien sûr, sur Cité Radio, avec tous les autres titres qu'on aime vous diffuser tout au long de la journée. C'est Cité Sortie, nous sommes ensemble jusqu'à 16h, je m'appelle Arthur, et je vous propose donc des bons plans en Touraine, des idées sorties sélectionnées rien que pour vous. Et en voici, justement, une nouvelle tout de suite. Vous êtes à l'écoute de Cité Radio, ne changez rien. Cité Radio, les bons plans. Un bon plan théâtre avec mon voisin nu. De l'autre côté du boulevard Montparnasse, il y a un homme qui vit au 6e étage. Sauf que cet homme-là a une singularité, il vit nu. Il ne se cache pas et donc ne tire jamais les rideaux. Il ne quitte jamais son petit appartement dans lequel, du matin au soir, il vit nu. Quand François a repéré cet étrange voisin, il n'arrive plus à travailler. Il fait venir Victoire, son amoureuse, et Paul, son meilleur ami, pour leur montrer ce voisin effarant. Cette pièce originale piquante et drôle est mise en scène par Patrice Lecomte et interprétée par Arnaud de Samer, Cyril Heldin, Pauline Lefebvre et Christophe Favre. C'est à ne pas manquer le dimanche 21 janvier 2024 à 16h à l'espace Igeria de Montlouis-sur-Loire. Les tarifs vont de 12 à 35 euros et vous pouvez réserver sur le site ville-montlouis-loire.fr. Et puis restez bien avec nous, c'est le retour tout de suite de la programmation sur Cité Radio. Belle journée. Vous l'avez sûrement reconnu avec la petite musique derrière moi. On enchaîne avec Indochine, l'aventurier tout de suite. Rapproche de plus en plus de 15h30 et donc forcément de la fin de cette émission. Je vous le rappelle, nous sommes ensemble jusqu'à 16h. C'est Cité Sortie avec des bons plans en Touraine et en voici un nouveau tout de suite, rien que pour vous, sur Cité Radio. Belle journée. Cité Radio, les bons plans. Jusqu'au 31 octobre, rendez-vous au château de la Bourdaisière pour Dessine-moi ta planète. Après une première édition en 2021 pour les 75 ans du Petit Prince, l'exposition parcours Dessine-moi ta planète est de retour cette année pour un voyage initiatique à travers 10 étapes qui s'inspire aussi bien de l'œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry que du langage et des engagements de Dérolle. Chaque étape est une expérience ludopédagogique et résonante avec les enjeux écologiques. Dérolle et le Petit Prince ont en commun de porter un regard curieux sur le monde où le beau et l'émotion se femelles pour nous apprendre à observer, à s'émerveiller et à transmettre. C'est donc à découvrir jusqu'au 31 octobre de 10h à 18h au château de la Bourdaisière situé à Montlouis-sur-Loire. Les tarifs vont de 5 à 12 euros et c'est gratuit pour les moins de 5 ans. Toutes les informations sur cette exposition sont à retrouver sur le site labourdaisière.com. Et puis restez branchés, retour à la programmation sur Cité Radio. Belle journée. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. What is love? Yeah. Si tu veux mon avis, aujourd'hui on dit beaucoup plus qu'on ne Vous êtes connectés à Cité Radio, il est 15h30 tout pile. Merci à tous pour votre fidélité. Je vous propose tout de suite une petite pause publicitaire. Il n'y en a pas beaucoup sur Cité Radio. Et puis on se retrouve dans quelques instants avec les bons plans et les idées sorties en Touraine, bien sûr. C'est le but de Cité Sortie. Belle journée avec nous. Ah, l'argent, on le dépense par plaisir ou par obligation. On essaie aussi de le faire fructifier quand on peut. Et lorsque le temps est venu, on le transmet à ceux qu'on aime. À chaque âge de la vie, l'argent pose question. Ce n'est pas si simple de faire le bon choix. Il faut s'y connaître. Et cela s'apprend aussi. Pour bien gérer votre budget et avoir des réponses à vos questions financières, rendez-vous sur le site de la Banque de France, mesquestionsd'argent.fr. Mesquestionsd'argent.fr, mieux comprendre pour mieux décider. Une campagne de la Banque de France et de l'Institut National de la Consommation. J'ai regardé ce film, c'était une surfeuse. Il y a un requin blanc qui lui avait mangé la jambe. La mer, elle était pleine de sang. Le soir, j'oublie rien sans que ça revienne. Moi, ça passe jamais. Quand je regarde un truc qui fait peur, ça passe jamais. Les images ont toujours un impact sur nos enfants. Découvrez comment les aider à ne pas subir sur arcom.fr. L'Arcom est le régulateur de la communication audiovisuelle et numérique. Cité Radio vous donne rendez-vous. Bonjour, c'est Didier. Retrouvez-moi dans le quart d'heure qui compte. Pour vous divertir et vous instruire, des contes tourangeaux, en parler tourangeaux, des contes de tous les genres et des nouvelles pour les petits et pour les grands. Le quart d'heure qui compte. C'est avec Didier Fontaine le vendredi à 19h30 et le dimanche à 11h30 sur Cité Radio. La positive info. Belle journée, bon début d'après-midi, vous êtes connecté à Cité Radio, vous avez vu, elle n'était pas très très longue cette petite pause publicitaire. Merci en tout cas pour votre fidélité, merci d'avoir tenu le coup jusque-là. Ne bougez surtout pas, le prochain bon plan arrive dans quelques minutes, vous êtes à l'écoute de Cité Radio, on est ensemble jusqu'à 16h, c'est la dernière partie de cette émission et vous allez voir qu'il y a du très très lourd en activité à faire en Touraine, alors restez connectés, belle journée avec nous. Avec Cité Radio, suivez la positive info tout au long de l'année sur le 89.3. Retour de la musique sur Cité Radio avec Rêver, j'en ai l'habitude, un extrait du spectacle musical Molière, l'opéra urbain. Les autres, ils sont comme il faut. Je fais ce qu'il faut pour leur plaire, mais ça sonne faux. Pas ma faute, ma faute, si je suis mieux dans ma peau. Loin de la lumière et derrière le rideau. Ma terre à moi n'est pas ronde, je n'ai pas la bonne attitude. Je ne suis pas fait pour ce monde. Oui, rêver, j'en ai l'habitude. Rêver, j'en ai l'habitude. Rêver, j'en ai l'habitude. Pour m'évader, changer d'altitude. Accroché à ma solitude, j'en ai l'habitude, je dois m'enivrer d'incertitude, vivre sous d'autres latitudes, pour me libérer de ma lassitude, j'en ai l'habitude, les autres, ils ont dans les yeux. L'assurance et l'insolence des gens heureux. C'est pas faute de tout faire comme eux. Mais n'est pas toujours heureux celui qui veut. Je veux jouer tous les rôles, essayer tous les costumes, les plus sombres et les plus drôles. Oui, rêver, j'en ai l'habitude. Rêver, j'en ai l'habitude. Rêver, j'en ai l'habitude. Pour m'évader, changer d'altitude. Accroché à ma solitude, j'en ai l'habitude, je dois m'enivrer. La comédie humaine, côté cœur, j'avoue, j'ai pas me mettre en scène. Dans ma tête, je fais le noir et je m'invente des histoires pour m'évader, changer d'altitude. Accroché à ma solitude, j'en ai l'habitude. Rêver, j'en ai l'habitude. j'en ai l'habitude. À Saint-Pierre-des-Corps, branchez-vous sur le 89.3 pour écouter Cité Radio, la positive info. Les bons titres français qu'on adore, vous êtes à l'écoute de Cité Radio. Merci à tous pour votre fidélité et je vous les ai promis, hein, ils sont de retour. Les bons plans en Touraine qu'on a sélectionnés rien que pour vous, des activités à faire tout au long de l'année, pendant les vacances scolaires. Vous allez voir, il y a tout un tas de choses à découvrir. Et voici donc tout de suite une nouvelle idée sortie dans Cité Sortie. Vous êtes sur Cité Radio, belle journée. Cité Radio, les bons plans. Pour les fans de pop culture japonaise et de manga, rendez-vous le samedi 18 novembre pour le festival Manga sur Loire. Cet événement constitue une rencontre intergénérationnelle et convoque autant les passionnés de la littérature que des arts visuels ou des pratiques spécifiques au Japon. Ainsi, du cosplay au mangaka, en passant par des expositions, des boutiques et des produits exclusifs, le festival Manga sur Loire est à retrouver dans trois lieux de Montlouis-sur-Loire, au complexe du Saule Michaud, à la médiathèque Stéphane Hessel et au Carrois des Arts. C'est donc à découvrir le samedi 18 novembre de 10h à 19h à Montlouis-sur-Loire. Toutes les informations sont à retrouver sur le site ville-montlouis-loire.fr. Et puis restez branchés, c'est le retour à la programmation tout de suite sur Cité Radio. Belle journée. Grand classique de la radio, voici Vanessa Paradis avec Joe et Taxi. Cité Sortie, les bons plans en Touraine. C'est de 14h à 16h tous les jours du lundi au dimanche et puis également de 9h à 10h. Et oui, si vous n'êtes pas disponible l'après-midi, eh bien vous pouvez également écouter le matin 9h-10h. Moi je suis au rendez-vous, donc je compte sur vous pour que vous soyez présents également. En tout cas, nous sommes ensemble donc encore pendant, allez, une petite vingtaine de minutes, on va dire, et je vous propose de ne pas perdre de temps et d'écouter tout de suite une nouvelle idée sortie en Touraine, rien que pour vous. Très belle journée avec nous. Cité Radio, les bons plans. Le vendredi 10 novembre à Saint-Pierre-des-Corps, venez découvrir Phénomentaliste, le spectacle d'Antonio le magicien. Ce maître dans l'art de la magie et du mentalisme, vainqueur de la France à un incroyable talent en 2016, vous proposera une série de numéros aussi époustouflants que drôles. Il prend un malin plaisir à découvrir de mille façons différentes les pensées les plus secrètes de ses spectateurs. Ce spectacle familial et insolite est donc à ne pas manquer le vendredi 10 novembre à 20h30 au Centre culturel de Saint-Pierre-des-Corps. Les tarifs vont de 9 à 12 euros et vous pouvez réserver sur le site saintpierredescorps.fr. Et puis restez bien avec nous, c'est le retour tout de suite de la programmation sur Cité Radio. Belle journée. À Saint-Pierre-des-Corps, branchez-vous sur le 89.3 pour écouter Cité Radio, la positive info. Allez, on poursuit avec Lady Gaga tout de suite pour la musique. Voici Hold My Hand. Hold my hand, everything will be okay. I heard from the heavens that clouds have been gray. Pull me close, wrap me in your aching arms. I see that you're hurting, why'd you take so long to tell me you need me? I see that you're bleeding, you don't need to show me again. But if you decide to, into my wishful eyes. That fear that's inside you will lift, give it time. I can see everything you're blind to now. Your prayers will be answered. Let God whisper how to tell me you need me. I see that you're bleeding, you don't need to show me again. But if you decide to, I'll on aime ces titres, très très bonne musique encore une fois que vous écoutez sur Cité Radio et c'est comme ça, cette playlist tout au long de la journée et même la nuit. Alors restez branchés sur le 89.3 FM, vous pouvez aussi nous écouter sur le www.citeradio.fr ou même sur le DAB+. Et oui, trois solutions pour écouter Cité Radio, donc vraiment n'hésitez pas et puis n'hésitez pas également à rester connecté jusqu'à 16h, c'est les bons plans en Touraine et en voici un tout de suite, rien que pour vous. Cité Radio, les bons plans. Un bon plan loisir avec le parc des mini-châteaux du centre Val-de-Loire. Situé à Amboise, vous pouvez parcourir des siècles d'architecture en déambulant dans un parc arboré de 2 hectares et ainsi découvrir des joyaux du patrimoine français. Pas moins de 41 des plus beaux châteaux de la Loire sont reproduits à l'identique à l'échelle à 25e, allant d'Amboise à Blois et de Chambord à Villandry. Vous pouvez aussi profiter des espaces ludiques et des attractions, que ce soit en famille, en couple ou entre amis. Le parc des mini-châteaux est ouvert toute l'année de 10h à 18h à Amboise. Toutes les informations sont à retrouver sur le site parcminichâteaux.com. Et ne bougez surtout pas, c'est le retour à la programmation tout de suite sur Cité Radio. Très belle journée avec nous. À Chambray-les-Tours, on écoute Cité Radio sur le 89.3. Retour en musique sur Cité Radio avec Zaoui et son titre Destin. J'attends du matin au soir, du matin au soir, du matin au soir, le destin. J'accroche mes rêves dans le noir, j'apprends à doucement les croire, j'apprends à doucement les croire, l'air de rien. Et je danse dans le miroir, la scène comme un mirage, j'attends tous les miracles. Et je danse dans le miroir, la scène comme un mirage, j'attends tous les miracles. Quel coup dur tu m'as fait sans te retourner. J'ai cru que je ne survivrais pas. Toutes ces années à briller m'ont perdu un peu leur éclat. Et j'ai beau retourner le problème, rien ne va. J'attends du matin au soir, du matin au soir, du matin au soir, le destin. J'accroche mes rêves dans le noir, j'apprends à doucement les croire, j'apprends à doucement. Retrouver la force, retrouver les armes, retrouver mon âme. Je dois rester toujours digne, déjouer tous les signes, façonner mon style. J'attends du matin au soir, du matin au soir, du matin au soir, le destin. J'attends du matin au soir, du matin au soir, du matin au soir, le destin. J'accroche mes rêves dans le noir, j'apprends à doucement les croire, j'apprends à doucement les croire, l'air de rien. On adore, on aime, on apprécie, tous les termes sont adéquats pour ce très très bon titre français. Merci beaucoup pour votre fidélité, j'espère que vous passez un très très bon moment. Vous le savez, les bons plans en Touraine, c'est jusqu'à 16h, encore quelques minutes à passer tous ensemble. Il ne reste plus beaucoup justement, je me dépêche. Voici tout de suite une nouvelle idée sortie en Touraine, vous êtes à l'écoute de Cité Radio, ne changez rien. Cité Radio, les bons plans.

rendez-vous en tout cas. Moi j'y serai bien sûr tous les jours sur ces deux créneaux pour vous accompagner toujours avec autant de plaisir, de sourire et de bonne humeur. Je vous propose d'écouter le tout dernier bon plan donc de cet après-midi. Et puis moi je vous retrouve eh bien tout au long de la journée bien sûr sur Cité Radio, mais aussi un rendez-vous à ne pas manquer ce soir à partir de 18h pour eh bien un beau moment à passer tous ensemble avec le retour de l'actualité notamment et puis toutes les chroniques que vous aimez sur Cité Radio et qu'on a préparé pour vous. Alors ne bougez surtout pas, le dernier bon plan c'est tout de suite. Très très belle journée à l'écoute des programmes de Cité Radio. Cité Radio, les bons plans. Un bon plan théâtre avec Oiseau. Mustapha perd son papa. Dans sa classe, Pamela a elle aussi perdu quelqu'un, son chien. Fort de ce point commun, tous les deux deviennent inséparables. Quand ils rencontrent la petite Françou, une gamine de CP qui sait comment on va de l'autre côté, l'espoir de revoir père et chien les gagne. Le mouvement de communication avec les défunts est lancé qui va entraîner toute l'école et affoler les adultes. Plutôt que d'enterrer nos disparus dans l'oubli, cette pièce écrite par Anna Nozière les met à l'honneur dans un texte joyeux plein d'humour et de poésie. Ce spectacle pour petits et grands est à voir à partir de 9 ans et c'est du 22 au 25 novembre au Centre Dramatique National de Tours. Renseignements et réservations sur le site cdntours.fr. Et ne bougez surtout pas, c'est le retour à la programmation tout de suite sur Cité Radio. Très belle journée avec nous. Et on poursuit avec Madonna, voici son titre Like a Virgin. Et on continue en musique avec Jacques Dutronc, voici les Playboys. Il y a les Playboys de profession habillés par Cardin et chaussés par Carville. Des roulants Ferrari à la place comme à la ville qui vont chez Cartier comme ils vont chez Fauchon. croyez-vous que je sois jaloux? Pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai un piège à fille, un piège tabou, un joujou extra qui fait craque-boum-hu. Les filles en tombent à mes genoux. Il est 16h, bonne journée à l'écoute de Cité Radio, j'espère que vous êtes en forme puisqu'on va beaucoup rire à présent avec Humour et Compagnie. Ça arrive dans quelques petites secondes juste après une très courte pause publicitaire. Tout au long de l'année, Cité Radio vous propose de l'info locale, de la musique, des bons plans, de la culture, etc. Mais au fait, si Cité Radio n'était pas là, qu'aurions-nous eu à la place ? 8h30 sur Radio Moustique, on retrouve tout de suite l'invité de la rédaction, c'est Monsieur Bagon. Bonjour et merci d'avoir répondu, d'avoir répondu présent aujourd'hui. Vous avez, paraît-il, une technique révolutionnaire pour chasser tous les moustiques. Oh mais c'est pas vrai, mais c'est une invasion. Eh bien, heureusement qu'on ne vous diffusera jamais ça, puisque nous... C'est la Positive Info. Le mercredi à 20h et le samedi à 11h30, découvrez Cinérama, votre émission cinématographique à ne pas manquer sur Cité Radio. Chroniques, interviews, débats, montage et blind test sonore seront au rendez-vous. Et tous les types de films sont représentés. Cinérama, c'est les mercredis à 20h et les samedis à 11h30 sur Cité Radio. Cité Radio vous donne rendez-vous. Salut, c'est Guillaume Colomba. Ne manquez pas Tout en auteur, l'émission 100% littéraire de Cité Radio où je reçois de nombreux écrivains et écrivaines locaux et nationaux. Durant 55 minutes, nous parlons avec eux de leur parcours et surtout de leurs actualités afin de vous faire partager l'amour des mots et de vous donner l'envie de découvrir leurs œuvres. À bientôt. Tout en auteur avec Guillaume Colomba, c'est tous les jeudis et samedis à 19h. Sur Cité Radio, la Positive Info. Les pauses publicitaires sont extrêmement courtes sur Cité Radio. Humour et Compagnie, ça démarre maintenant. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h. Je m'appelle Arthur et je peux vous garantir qu'on va beaucoup, beaucoup rire avec le meilleur des sketchs et puis également tout au long de 7h, eh bien le meilleur de la musique à découvrir avec nous. Donc restez bien connectés. Le premier sketch, justement, c'est juste après ce jingle. Belle journée avec nous. L'actu locale en Touraine, c'est sur Cité Radio 89.3. Et pour ce nouveau sketch, voici Anne Romanoff avec Divorcé. Alors, en ce moment, les gens me disent, mais Anne, mais qu'est-ce qui t'arrive? T'as rajeuni, t'as embelli. Oui. Merci de votre spontanéité. Mais Anne, mais quel est ton secret? J'ai trouvé une méthode très naturelle pour rajeunir. J'ai divorcé. Attention, moi j'ai été mariée 25 ans et alors souvent quand les gens me disent oh là là, mais ça doit pas être évident d'arriver à se reconstruire après toutes ces années. Je dis pourquoi? J'ai l'air en travaux. Non mais on dirait que les femmes en couple ont peur des femmes séparées, mais moi les mecs de mes copines ne m'intéressent absolument pas après tout ce qu'elles m'ont raconté sur eux. En plus, j'ai plein d'amis qui me le disent, mais moi, je suis bien seule, je suis bien toute seule, je suis bien, je suis seule. Et ces femmes-là, tu les retrouves très vite en train de chanter. Toute seule devant mon écran, discrètement, je cherche un amant. Adopte un mec Tinder mythique, il suffit d'un clic et tu niques. Non, mais attention, les sites de rencontres, c'est un vrai supermarché. Il y a toutes sortes de produits en rayon. Par contre, il ne faut pas croire tout ce qui est marqué sur l'emballage. Il faut traduire. Par exemple, tu te vois épicurien, cherche femme sensuelle pour relation sans prise de tête. Il faut traduire. Épicurien, en général, ça veut dire alcoolique. Femme sensuelle, ça veut dire bon coup. Et relation sans prise de tête, ça veut dire aventure sans lendemain. Mais si le mec mettait alcoolique cherche bon coup pour aventure sans lendemain, c'est moins vendeur. Et t'as ceux qui mettent à la recherche d'un moment intense hors du temps. Ça, en général, ça sent le 5 à 7 dans la zone industrielle, à l'hôtel Ibis et au Formule 1 si le mec est radin. Et puis t'as ceux qui se plaignent. Grand blessé de la vie amoureuse. Oh, choupinou. Là, ça veut dire que le mec, il cherche une infirmière psy, maman, pour soigner ses bobos, parce que les femmes, elles ont été chromées sur ta vue. Puis alors, il y a aussi les photos. C'est important de regarder les photos. Le mec qui prend un selfie devant des casseroles, en général, ça veut dire gamma GT, diabète, cholestérol. Et chaque fois que tu feras une omelette, tu auras l'impression de passer devant le jury de Top Chef. Et puis, t'as ceux qui publient une photo d'eux en coupe, mais coupée en deux. Avec juste la mèche de cheveux qui dépasse. Là, tu te dis, le mec, en 2019, qui est même pas capable de recadrer une photo sur son smartphone, il y a très peu de chances qu'il sache se servir correctement du reste. Alors, après, arrive le moment de la première rencontre. Là, pareil, il faut pas croire tout ce que raconte le mec. Si le mec te dit, ouais, depuis ma rupture, j'ai beaucoup butiné, j'ai pas mal papillonné, ça veut dire j'ai niqué tout ce qui bougeait. Là, t'as juste envie de lui dire, bah, pas la peine de sortir ton dard, moi, les insectes, ça me file le bourdon. Et c'est vrai. C'est vrai que nous, les femmes, on est assez carrés quand on rencontre un mec, on veut savoir à qui on a affaire, donc on lui fait passer une sorte d'interrogatoire, hein, de questionnaire de fiabilité. Dans nos têtes, on met des notes, on compte les points, mais en général, on fait ça tout en charme, en douceur. Ça se passe dans un bar, il y a une petite musique douce. Donc en fait, t'as deux enfants, d'accord. Et ton fils a quel âge ? 22 ans ! Oh, c'est bien, c'est grand ! Plus 600. Et il étudie à l'étranger. Oh, ça, c'est dur, tu dois pas le voir souvent. Plus 1500. Et t'as une fille aussi, d'accord. Elle a quel âge? 7 ans. Ah ouais, c'est petit, petit, petit. Hein. Moins 3000. Et comment ça se passe au niveau de la garde? C'est un week-end sur deux, une garde alternée. Une garde alternée, moi je trouve ça génial. Les mecs qui prennent en charge leur paternité, mais félicitations. Hein. Moins 8000. Et, mais il y a beaucoup d'écart entre tes deux enfants. Ah, c'est pas la même maman, d'accord, je me disais aussi. Donc en fait, t'as deux ex, deux dates de vacances différentes, deux pensions alimentaires, deux folles qui peuvent appeler en pleine nuit. Moins 3000. Et non, t'as perdu ta maman l'année dernière. Oh, je suis désolée pour toi. Mais ça, c'est super dur. Mais bien sûr. Oh, mais toutes mes condoléances. Pas de belle-mère. Plus 15 000. Mais en fait, je veux savoir, quand t'es en couple, t'es plutôt du genre le mec fidèle ou fidèle Ça dépend des moments. Bien sûr, je suis bête. Infidèle, mais sincère. Moins 2500. Attends, tu permets, parce que j'ai des petits calculs à faire, là, parce que je suis pas très bonne en maths. Alors, je pose 2, je retiens 1. Parle pas en même temps, je vais parler avec 4. Et ah, j'ai ton score. Tu vas quitter l'aventure. Donc, en fait, je me suis aperçue qu'à partir de 40 ans, il y a ce qu'on appelle le marché de la deuxième main. Le marché de la deuxième main, c'est des hommes et des femmes d'occasion qui ont déjà servi, mais encore en bon état. Et l'avantage des hommes et des femmes d'occasion, c'est qu'on a l'expérience. On a l'expérience du couple. On ne veut plus en entendre parler. Moi, je vous assure qu'après 25 ans de vie de couple, il y a une phrase que je supporte plus, et notamment cette phrase « On mange quoi ?»« On mange quoi ?» Moi, l'autre fois, je vous assure, j'étais avec un mec, ça se passait bien, et tout à coup, il dit « Qu'est-ce que t'as préparé de bon à manger ?» Et là, dans ma tête, il y a une sirène d'alarme qui a retenti. Je me suis dit « Lui, avant 2 mois, il va me dire « Où mange quoi ?» Il y a une autre phrase que seuls connaissent les couples qui ont passé plus de 10 ans ensemble, qui est un romantisme torride, c'est « Il n'y a plus de PQ. Pourquoi t'as pas acheté de PQ ?» C'est pas compliqué d'acheter du PQ quand tu manques du PQ. Alors toi, tu prends sur toi, tu prends un rouleau de sopalin, tu t'approches avec délicatesse, tu ouvres la porte, tu dis tiens. Et le mec, il dit merci, mais tu m'as pas dit on mange quoi. Salut, c'est Julia Jean-Baptiste sur Cité Radio. Sur ma piste de danse, sur ma piste de danse, sur ma piste. Je m'imagine à Fort-de-France, carnaval au mois de février. Bien sûr, c'est pas la même ambiance, mais sur mon tapis, je continue à danser. Je danse à vide, rien ne peut me stopper. Pas besoin de piles, mes hanches ne veulent pas s'arrêter. Mais sur ma piste, je veux me balancer. Mais sur ma piste, je continue à danser. Je continue à danser. Là sur ma piste de danse, sur ma piste de danse. Je pose les pieds, au chaud ou froid, qu'importe l'endroit. Dans mon salon, personne connaît serré. Il n'y a que moi, je continue à danser. Là sur ma piste de danse, sur ma piste de danse, sur ma piste de danse, me balancer. Là sur ma piste de danse, sur ma piste de danse. Le meilleur de la musique française, c'est avec nous sur Cité Radio tout au long de la journée et puis bien évidemment dans Humour et Compagnie. On est ensemble jusqu'à 17h, merci pour votre fidélité et puis si vous avez beaucoup ri sur le premier sketch, eh bien ça va être sûrement le cas une fois de plus avec celui qui arrive juste après ce jingle. Vous êtes sur Cité Radio dans Humour et Compagnie, ne changez rien, c'est le meilleur choix que vous ayez fait cet après-midi. L'actu locale en Touraine, c'est sur Cité Radio. 89.3. Et place à Alban Ivanov avec les footeux tout de suite sur Cité Radio. Non, je suis content d'être avec les footballeurs. Moi aussi, j'aurais dû être footballeur professionnel, mais j'ai eu un problème. Ah, j'étais nul, quoi. C'est ça. Oh, de la merde. Oh là là. Je jouais en division 8 district. Ah ben, c'est la plus basse division qui existe dans le football. En dessous, c'est du handball, tu vois. Donc, tu perds les crampons, tu dégages. Dans le championnat, il y avait de tout. On avait les aveugles de Morpa, les sourds de Saint-Cloud, les islamistes de la Verrière. Ah, le FC Mosquée, ça jouait, attention. Sévère. 11 joueurs, 11 barbus. Même leur logo, c'était une petite barbe, très bien rasée. Et eux, dès qu'ils marquaient un but, ils se mettaient tous à faire l'avion. Et ils fonçaient dans les poteaux. Et ils étaient chauds, hein. Bizarrement, cette célébration n'est pas dans FIFA 15. Hein. Attention, je veux pas me fâcher, pas d'amalgame. Est-ce qu'il y a des musulmans ce soir dans la salle? Aïd Mabrouk! Qu'est-ce que vous pensez de mes chaussures, monsieur? Bien? Eh, écoutez, j'ai chouré ça vendredi à la mosquée. Oh, eh, ça va, c'est la crise. Hein. Tu pries, je fais mes courses. Hein. Alors, ouais, 42, trop grand. Non, parce que j'ai déjà essayé à la synagogue, mais comme les lacets sont trop bien attachés... Et à l'église, c'est des chaussures orthopédiques, donc... tu sais, en bois avec des talons. Va sur ton chemin. Allez-y, allez-y. Non, mon moment préféré, moi, au foot, c'était le moment de la mi-temps, le moment du vestiaire. Alors, dans des vestiaires normaux, t'as des bancs, de l'eau, des douches. Nous, notre vestiaire à la mi-temps, c'était un bar tabac. Hein, ça récupérait avec café, clope, bière, joint. Avant de sortir du vestiaire, on devait souffler dans un ballon. Ouais. De vite, va en pointe. Alors ça jouait bien. L'entraîneur, il n'en pouvait plus de nous. L'entraîneur, on l'appelait Soupir. Parce que dès qu'il rentrait dans le vestiaire, il disait toujours « Oh les gars !» Bah ouais, mais vous voulez que le club y ferme ou quoi? Eh ben alors, arrêtez d'appeler Samir Samir. Il joue sous la licence de Julien, putain. Bah ouais, mais l'arbitre, il le voit, ça. Allez, 26, range ton shit, là. Ah, si vous pouvez faire tourner les ballons comme les joueurs, on serait déjà en Ligue des Champions, hein. Il est où, l'autre? Boubacar, la gazelle, viens là. Viens là. Et qu'est-ce que tu prends une douche à la mi-temps? Viens là. Non, mais je m'en fous qu'il y ait la queue à la maison. Viens là. Et arrête de mettre l'eau dans ton sac. Viens là. Boubacar, t'es au courant que je te fais jouer avec les moins de 18? T'es au courant que t'en as 35? Et pourquoi tu te gares en kangou devant l'arbitre? Putain, avec tes gosses en plus qui ont des photos de toi sur le t-shirt et qui crient « Vas-y, papa !» Non, mais rase-toi et mets un short, il y a des mineurs dans le vestiaire. Il est où l'autre? Alban, allez, va t'échauffer, tu vas rentrer. T'étais déjà sur le terrain? La vie de ma mère, tu sors. Allez, dégage. Ah, ça jouait comme ça. Et attention, hein, je vous parle pas des fautes. Hein, parce que franchement, sur le terrain, on était plus proche de Tekken que de FIFA. Hein. Ah, ça charclait. Notre stopper, il était connu dans toute l'île de France. Il était surnommé le boucher des Yvelines. Hein, le Dexter de Paris. Pour vous dire, un jour, il a taclé un gars. C'est pas on a vu le mec dans Incroyable mais vrai? Alors, monsieur, que s'est-il passé le 16 avril 2002? Alors, je vais vous expliquer. Donc, moi, j'étais en train de parler avec le gardien. Et le joueur adverse, il a taclé là, là. Ah oui, ah, oui, je m'en souviens, parce qu'il y avait écrit Adidas Predator, là. Ah, dans le coup, oui. D'accord, très bien, mais c'était au moment d'une action. Est-ce que vous aviez le ballon à ce moment-là? J'étais remplaçant. Ah, des bonhommes, j'ai pas compris, moi. Il est venu du ciel comme un pélican. Ah, il a dû me prendre pour un poisson. C'est pareil, il a tapé là et il est repardé. Et après, il a osé dire au juge, oui, mais il avait pas de protège-tibia. Ça jouait comme ça, attention. Alors, attention, quand vous choisissez un sport, si vous avez des enfants, prenez des sports où il y a de l'oseille. Bien, les gars. Bah oui, tu vois, on dit toujours, ils sont cons. Mais non, ils roulent en BM. Non, mais c'est vrai, il faut faire des sports où il y a de l'oseille. Foot, on est bon. Formule 1, on est bon. Par contre, si votre gamin vous dit, je vais être lanceur de javelot, tu lui dis, je veux te parler, tu vois. Non, mais c'est vrai, les lanceurs de javelot, on parle jamais de ces gens-là, alors que c'est des êtres humains, hein. Mais eux, c'est dur, c'est dur. Eux, ils peuvent faire les championnats d'Europe, les championnats du monde, les Jeux Olympiques. Ils gagnent pas une cacahuète. Et c'est pour ça qu'ils crient avant de lancer leur javelot. Putain de merde. Putain, comment je vais payer le loyer, moi? Je suis là avec ma lance, mon short de dép. Putain. Ah, la voiture à la fourrière. Pff, relance EDF. Ah. Oh, alhamdoulilah. Ah putain, avec leur loubia, ils m'ont ballonné. Bon, allez. C'est quand même les JO. Faut garder le sourire. Ça va, chérie? Ouais, ouais. Oh, regarde, je suis sûr, elle me trompe avec Samuel et tout. Elle. Putain. Regarde la gueule de mes gosses, l'autre il a 6 ans, il a une moustache, putain. Bon allez, c'est parti. Ça me gave. C'est bon monsieur le juge, je peux y aller? Ouais, allez. Oh là là, quel sport. Quelle vie. Pourquoi? Alban Ivanov. Alban Ivanov, mesdames, messieurs. Vous êtes à l'écoute de Cité Radio, la positive info. Choses là, j'ai pas la salle. s'être rendu commun. Humour et compagnie, ça continue, le meilleur du rire, le meilleur des sketchs, c'est sur Cité Radio du lundi au vendredi de 16h à 17h. Vous allez voir, on va encore bien rire ensemble pendant une bonne demi-heure, hein. Donc restez bien branchés, si vous êtes en train de travailler, eh bien vous pouvez vous détendre en écoutant ces sketchs. Vous êtes peut-être également déjà rentré chez vous, si c'est le cas, vous avez de la chance. En tout cas, profitez-en, voilà, pour un bon moment de détente et d'humour avec Humour et compagnie. Troisième sketch arrive juste après ce jingle. L'info locale, c'est sur Cité Radio à Montlouis et Joué-les-Tours sur le 89.3. Et place désormais à Arnaud de Samer avec son sketch Le mariage de mon ex-femme. Alors qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 4 années déjà? Bah, sur le plan personnel, messieurs, dames, je me suis marié. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je me suis marié et d'ailleurs peu de temps après, de son côté, ma femme, elle, a divorcé. Du coup, ben, moi aussi, hein, par un effet de domino, en fait, ou un effet papillon, hein, appelez ça comme vous voulez. Ah putain, elle adorait les papillons. Ah putain, pardon, excusez-moi. Waouh, allez Arnaud, allez. Waouh. The must shogun. Allez, bon, mais il n'y a pas que pour des raisons personnelles, hein, que je ne suis pas venu à Montreux depuis 4 ans. C'est vrai qu'aussi sur le plan professionnel, parfois quand on est humoriste, on est amené à, voilà, à prendre des décisions, à faire des choix de carrière, des choix forts, comme dirait Alain. Et Alain, choix fort. Alain Chamfort, qui est peut-être pas très connu en Suisse, peut-être. Ou alors c'est que la vanne n'est pas terrible. Ouais, c'est ça, ok. Le problème, je vais vous dire, si la vanne n'est pas terrible, le problème, c'est qu'on est en direct et qu'on va pas pouvoir couper au montage. Donc vraiment, je vais vous demander de rire. Je vais la refaire, je vais vous demander de rire. Ouais, ouais, je vais utiliser un joker. J'ai droit à un joker rire par sketch. Voilà, donc on est amené à faire des choix forts, comme dirait Alain. La moitié de ça suffisait. Et donc j'ai, voilà, c'est vrai que moi, depuis 4 ans, je ne suis pas venu au Festival de Montreux, parce que voilà, j'étais, ça va peut-être vous paraître un petit peu prétentieux, mais je n'étais pas invité, en fait. Et c'est vrai que moi, quand je ne suis pas invité quelque part, très souvent, je prends la décision de ne pas y aller. Voilà, c'est mon petit truc à moi. Je suis comme ça. Alors, si une fois, je suis allé quelque part, je suis allé à un truc où je n'étais pas invité, je ne le referai plus. Je vais vous le raconter. C'était l'année dernière. Je me suis, sans y être invité, je me suis rendu au remariage de mon ex-femme. Pas bien, faut pas faire ça. Non, pas bien. Non, il y a eu un malaise. Alors la cérémonie était très bien, hein. Moi, ça allait très bien, mais je sais pas. Dans le regard des gens, j'ai senti, voilà, peut-être que j'exagère, mais comme si les gens se demandaient ce que je foutais là, en fait. Vous voyez? Ah. Et le malaise, je l'ai surtout senti au moment de l'échange des consentements. Un moment très beau, très solennel, il y avait mon ex-femme qui était là, magnifique. Oh là, pardon, allez. Il y avait son futur mari qui était là, futur mari qui donc à l'instant présent était donc toujours, hein, officiellement son ex-amant. Pardon, j'ai un fou rire. Et donc, au moment de l'échange des consentements, je me suis souvenu d'un truc qui ne se fait plus dans les mariages. D'ailleurs, vous savez, c'est le moment où on demande si quelqu'un s'oppose à cette union, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Ça se fait plus, ça, c'est dommage. Et donc, moi, comme je suis un petit peu de nature curieuse, j'ai levé la main, comme ça, dans un silence de mort. Le prêtre ne regardait pas dans ma direction, donc j'ai, comme s'il cherchait à éviter mon regard, donc j'ai un peu, et puis j'ai crié un peu fort, excusez-moi, pardon, il n'y a plus dans le protocole le moment où vous demandez si quelqu'un s'oppose là à tout ce merdier, et il y a eu une tension, parce que les gens pensaient que je demandais ça pour moi, mais non, moi j'étais juste dans une démarche naïve de recherche d'informations. Là, à ce moment-là, j'ai plus trop de souvenirs, parce que je vous cache pas que j'étais arrivé à l'église sous Xanax et ivre mort. Et c'est peut-être ce taux d'alcoolémie un peu élevé qui m'a fait faire, au moment de l'échange des bagues, ce truc un petit peu foufou. J'ai voulu montrer ma joie, voilà, en faisant, au moment de l'échange des anneaux, là, j'ai voulu montrer ma joie en faisant un smiley, vous savez, le smiley sourire, celui qui est avec le sourire jusqu'aux oreilles, là. Et donc, j'ai voulu mimer ce smiley avec mon anus, donc je me suis levé. J'ai baissé mon pantalon face au marié, comme ça j'étais dos à l'assistance, et je jetais des petits coups d'œil, voilà, pour voir si les gens reconnaissaient le smiley sourire. Mais je pense pas, parce que les gens vraiment avaient une tête bizarre. À mon avis, ils confondaient avec le smiley timide. Vous savez, celui avec le rouge là sur les pommettes. Parce que c'est vrai que j'ai des problèmes de... Mais le... Bref, donc c'était... voilà. C'était raté. Enfin, raté, non, si, il y avait bien toute la rangée des enfants de 5 à 8 ans qui rigolaient beaucoup. Mais bon, ils n'ont pas compris la portée symbolique de mon geste. Vous savez comment sont les enfants, à tout prendre au premier degré. Ils ont juste vu un monsieur qui montrait ses fesses. Voilà. Alors qu'il y avait plus que ça dans mon geste. C'était un acte poétique, c'était un acte presque... C'était presque militant. C'était un acte militant. C'est d'ailleurs ce que j'ai expliqué à la police qui est arrivée 10 minutes après. Police qui, soit dit en passant, était invitée au mariage. Pas moi. Fermons la parenthèse. Et en sortant de garde à vue, une heure après, je me suis dit... Oh tiens, j'ai regardé ma montre. Je me suis dit, si je me dépêche, je dois pouvoir encore avoir le temps d'assister à la sortie des mariés. Sur le parvis de l'église. Vous savez, le moment où on jette le riz, là. Moi, je voulais lancer mon riz, mais bon, vous me connaissez, toujours vouloir faire les choses de manière un petit peu originale. Moi, je l'avais fait cuire, mon riz, et... J'avais fait une petite sauce au pistou. Un risotto, voilà. J'avais fait un risotto que j'ai balancé à la gueule du marié dès qu'il est sorti, cet enculé, dès qu'il est sorti de l'église. Le problème, c'est que le risotto, je l'ai lancé avec la casserole, ce qui a provoqué une hémorragie immédiate du marié au niveau de l'arcade sourcilière, nécessitant 17 points de suture. 17 points de suture, je sais le chiffre précisément, parce que le pompier qui est arrivé, les pompiers étaient invités aussi, un gros mariage. Le pompier m'a donné l'information. Oh, vous êtes complètement abruti, 17 points de suture. Voilà, c'est comme ça que j'ai su le chiffre, et en sortant de prison 2 mois après, je me suis dit, tiens, peut-être que le smiley, j'aurais dû l'envoyer par SMS. Voilà. Moi, perso, je trouve ça moins original, mais c'est ce que tout le monde m'a dit. Enfin, tout le monde. C'est ce que tous les psychiatres qui ont eu mon dossier médical entre les mains m'ont dit. Mais voilà. Alors, depuis, rassurez-vous, tout va bien. Les choses se sont bien apaisées avec mon ex-femme. D'ailleurs, je vais vous dire, je dîne tous les soirs chez mon ex-femme et son mari, tous les soirs. On ne peut pas faire beaucoup plus apaisé comme relation. Voilà. Je crois qu'à un moment donné, il faut savoir se montrer intelligent, savoir tourner la page. Voilà. Je dîne pas vraiment chez eux. En fait, je m'assieds en tailleur derrière leur porte d'entrée avec un sandwich et je gratte à leur porte comme ça pendant... Tous les soirs, pendant 4 ou 5 heures, comme ça. C'est ludique. On communique, d'ailleurs, il m'envoie des petits mots sous la porte, espèce de dégénéré, on va appeler la police. C'est d'ailleurs marrant, hein, cette manie qu'a mon ex-femme de vouloir toujours convier la police à tout ce qu'elle fait. Je devrais peut-être pas vous raconter ça, mais la semaine dernière, elle avait rendez-vous chez son gynéco. Et ben, elle avait convié la police. Je le sais parce que moi, je l'ai vu de mes propres yeux, parce que moi, j'étais de l'autre côté de la fenêtre du cabinet, suspendu en rappel depuis le toit de l'immeuble. Et je regardais la consultation comme ça, pour savoir si ça se passe bien. Excusez-moi d'avoir de bonnes relations avec ma femme. Eh ben, la police est arrivée, la police s'en est mêlée. Ils n'ont pas réussi à me détacher, le GIGN est arrivé. 30 mecs, un hélico de l'armée, tout ça pour ça. Un micmac. Je suis très surpris de l'ampleur qu'ont pris les choses. C'est d'ailleurs ce que j'ai expliqué au juge hein, pendant mon procès. J'ai dit, monsieur le juge, je suis très surpris. Je ne lui ai pas dit au juge. En fait, je lui ai fait le smiley surpris avec mon anus. Vous savez, celui avec les yeux ronds, comme ça. Avec la bouche en cul de poule, comme ça. Je l'avais bien d'ailleurs, la bouche en cul de poule. Enfin, voilà. Bref, toujours est-il que je suis très heureux, 4 ans après, de revenir ce soir au Festival de Montreux avec les copains. On rigole énormément en coulisses. Et pour conclure, d'ailleurs, je vais vous faire le smiley mort de rire. C'est parti! Avec Cité Radio, suivez la positive info tout au long de l'année sur le 89.3. Say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Baby, I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. Vous êtes toujours connecté à Cité Radio, ne changez rien, c'est le meilleur choix pour le créneau 16h-17h. Et oui, humour et compagnie, on va se marrer tous ensemble donc encore pendant quelques minutes, alors restez branchés puisque le quatrième sketch de cet après-midi arrive juste après ce jingle. Donc dans quelques petites secondes, vous êtes sur Cité Radio, belle journée avec nous. La positive info, c'est en Touraine que ça se passe avec Cité Radio. Les Baudins prennent le relais tout de suite avec leur sketch sur les pompes funèbres. Bonsoir! Ça va? Bonsoir tout le monde! Ça va les jeunes? Alors, vous êtes en forme? J'ai pas entendu! Vous êtes en forme! Eh ben tant mieux pour vous, parce que je vous garantis que vous m'y êtes en forme, parce que ça coûte moins cher de rester en vie que de mourir. Hein. Oh, bah, on est pas venu là pour parler de ça. Tu vas plomber l'ambiance d'entrée, toi. Mais non, il n'y a pas de langue de bois ici. Bah, non, hein, non, alors, pour tout vous dire, c'est-à-dire que je suis en train de faire des devis pour mes funérailles. Ouais, c'est mis ça en tête. Faut prévoir le coup. Hein. Bah, ouais, non, mais et puis alors, je suis passé chez les pompes funèbres juste avant, là. Ouais. Oh, les fumiers! Oh, les bandits qu'il y a là-dedans! Incroyable! Ils en font un pognon sur la mort des gens, mes pauvres enfants. 8000 euros le cercueil. 8000 euros! La vache! Ça fait cher l'entrée en boîte, hein! Tu m'étonnes, ouais. Et même pas une conso gratuite, les fumiers! Ah ouais, non, puis, incroyable! C'est vrai que c'est pas donné. Moi, franchement, à ce prix-là, j'aime autant me faire inséminer, moi. Incinérer, tête de buse! Pour inséminer. Il n'en loupe pas une, hein. Ouais, on va ah, s'il y a un paradis pour les cons, tu seras assis à la droite du père. Ouais, c'est sûr. En tout cas, Christian, je t'en supplie, ne donne jamais ton corps à la science. Pourquoi? Parce que je plains celui qui récupérerait ta cervelle, mon vieux. Ouais, c'est vrai, ça fait plaisir à personne de se retrouver du jour au lendemain avec un QI de tomate farcie, hein. Je vais faire un sirène. Brûler, voilà, ce sera plus simple. Et ben ça coûte moins cher que leur étui à Maccabée à 8000 euros. Ah voilà, oui, mais ça. Quand ça veut prendre. Pourquoi parce que t'as pas su le mari à Jocelyne Grilladin. Si, il est mort. Oui, il est mort, oui, ça d'accord. Oui. Mais lui, il devait se faire incinérer au départ. C'était son vœu. Et puis. Et ben ils ont jamais pu le faire cramer, mon vieux. Jamais. Oh non, tu déconnes. Mais non, ils ont tout essayé, l'essence, l'alcool a brûlé, jusqu'au zip allume barbecue. Tu me fais marcher, c'est pas possible. Je te garantis que c'est vrai, ils voulaient pas prendre, ils voulaient pas s'allumer à chioler, cette pauvre Jocelyne. Bah oui, c'est parce qu'il était mort. Non, parce qu'il cramait pas. Ah oui, et alors après, ils sont aperçus que, en fin de compte, c'est parce qu'il avait pris trop d'anti-inflammatoires dans les dernières années de sa vie. Ah oui. C'est pour ça qu'il croit. D'accord. C'est con, hein. Ouais. C'est bête. Ouais, tu vois, c'est... Ouais. C'en est une saloperie, hein. Qui ça, Jocelyne Grilladin? Non, c'est les anti-inflammatoires. Ah, tu m'as fait peur. En tout cas, Christian, je te l'ai déjà dit. Ouais. Le jour où je vois casser ma pipe, ne te fais pas entuber par les pompes funèbres. Non, mais ça va, t'es pas encore dans le trou, quand même. Je me rapproche sérieusement du bord, mon petit garçon. Oui, 87 ans, les copains. Ouais, 87 ans. Je suis quand même plus près de mon dernier souffle que de ma première levrette. Oui, certainement. Faut pas se mentir. Tôt ou tard, je vais m'y retrouver à la morgue, hein. Toute froide, toute bleue, au congèle. Et chez Picard, entre les lasagnes et la viande de cheval. C'est comme ça que voulez-vous. C'est la vie, hein, la mort. Oui. En tout cas, ce jour-là, Christ... Vas-tu arrêter de te tripoter les paupières devant tout le monde quand je suis en train de parler? Non, mais je t'écoute. Oh, mais c'est une maladie qu'il a, mes pauvres. Allez, vous aussi, trifouillez ça. C'est pas possible. T'es comme le père Lolo, t'as des doriforts dans les patates Elle est bonne, celle-là. Avant de finir par tomber comme des vieilles figues desséchées. Oui, moi, c'est bon, moi, ça va, on a compris. À force de tirer là-dessus, tu vas nous le faire, un de ces quatre, ton burn-out, toi aussi. Bon, ça va, on a compris, c'est bon, on a compris, là. Oh, non, mais c'est garanti. C'est pas vrai. Incroyable, hein. Ah, il a peur de rien, hein. Bah non, mais c'est Alors, bref, je disais donc, moi je sais plus que j'en suis avec tes conneries, là. C'est bien fait pour toi. Je disais donc que le jour où je vais aller rejoindre ton père, et les frères Bogdanov, du coup, par la même occasion, ce jour-là, Christian, fais bien attention, à pas te faire arnaquer par les pompes funèbres, parce qu'ils ont l'habitude. Ouais. Ils savent qu'avec le chagrin, on réfléchit moins bien et surtout, on compte moins bien. Non, oui, non, ça, non, c'est vrai. Moi, c'est vrai qu'au pied du mur, à chaud, enfin, à chaud, à froid, plutôt. Qu'est-ce que tu racontes, là? Je veux dire, quand c'est tout chaud, que le mort est froid, oui. Ben, on peut des fois y mettre plus cher que ce qu'on voudrait vraiment. Où ça? Dans le prix de la boîte. La boîte de quoi? Du cercueil. Ah oui, le cercueil. Eh ben justement, avec moi, tu t'emmerdes pas, tu prends du premier prix. Ah d'accord. Ah oui, pas d'occasion, parce que d'accord. T'en trouveras pas. Oui, d'accord. Hein? Mais en tout cas, un cercueil premier prix. Moi, d'accord. Je veux pas de chichi, hein. Non. Ah non, pas de poignée en or, ni de cercueil capitonné, hein. Dites, vous croyez pas que c'en est une connerie, ça aussi? De quoi? Les cercueils capitonnés? Oh non, mes pauvres enfants, on peut tout voir, hein. On laisse des pauvres gens vivants dormir dehors au froid sur des trottoirs et on couche les morts au chaud sur des matelas neufs. Ouais, c'est vrai. On vit une époque de cinglés. Incroyable. C'est pas vrai? Ouais, certainement, oui. Une époque de cinglés. Ah, ça, on a trouvé de l'argent pour fabriquer des vaccins anti-Covid. Ah, ben là, je vous garantis que le jour où on va trouver un vaccin contre l'indifférence, là, on va en sauver des vies, voyez-vous. Oui. Croyez-moi. C'est vrai. Oui. Bravo, moi. Certainement, oui. Enfin. Bon, bon voilà. C'est pas tout ça. Ben non, ben oui, en attendant de bouffer les pissenlits par la racine, on va aller bouffer des petits fours au buffet, nous, derrière. Tu les as vus? Oui, j'ai vu que ça. C'est vrai, c'est... Ah oui, oui, faut en profiter, c'est gratos. Allez à la soupe, mes gaillards. Salut. Salut les amis. Il y a du sucré, il y a des salés. Et nous repartons en musique sur Cité Radio avec Angèle et son titre « Plus de sens ». Comme la météo en novembre, comme une étincelle dans une pompe à essence, comme un acouphène en silence, rien n'a plus de sens. Comme le mauvais temps en vacances, comme le verre de trop qui rend indécent, comme la fin du monde qui attend, rien n'a plus de sens. J'ai pas On l'aime, cette musique française. Merci beaucoup d'être en notre compagnie. J'espère que vous avez passé un très, très bon moment sur Humour et Compagnie. Vous êtes à l'écoute de Cité Radio, bien sûr, vous le savez. Et on va encore profiter de quelques petites minutes de musique française avant de vous laisser avec la suite de la programmation de Cité Radio. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Et je vous retrouve eh bien dans une heure, un petit peu plus d'une heure, pour le 18h-19h. Restez bien avec nous. Vous êtes sur Cité Radio. Excellente fin d'après-midi avec nous. Nous shouldn't bear to lie to one as beautiful as you. Yeah, shouldn't bear to take a chance on ever losing you. But I thought you'd understand. Can you forgive me? I saw you walking by the other day. I know that you saw me, you turned away, and I was lost. You see, I've never loved no one as much as you. Around, but tell me now just who is hurting you. And I should have known better to lie to one as beautiful as you. Yeah, I should have known better to take a chance on ever losing you. Can you forgive me? I should have known better. I should have known better. It's true. I love for granted all along. I'm trying to explain where I went wrong. I just don't know. I cry, the tears don't seem to help me carry on. Now there is no chance you'll come back home. I should have known better to lie to one as beautiful as you. Hey, I should have known better to take a chance on ever losing you. But I thought you'd understand. Can you forgive? Les chansons des filles, beaucoup de verres et de nuit. Telles étaient nos heures, telles étaient nos vies. Fut-il adolescent, tout nous était permis. Roi de pacotille, prince démuni. On n'est riche que de ses amis, c'est dit. Le temps des tempêtes arrive avant qu'on les prédit. Amour impossible, défaite, ironie. Quand tout s'abîme, quand même nos rêves fuient, il ne reste qu'une île, un port, un parti. On n'est riche que de ses amis, c'est dit. Saint-Pierre-des-Corps, branchez-vous sur le 89.3 pour écouter Cité Radio, la positive info. Se rencontrer, à s'aimer sans demander pourquoi. Toi et moi, destinés, inutile de fuir ou de lutter. C'est écrit dans notre destinée, tu ne pourras pas y échapper. C'est gravé, l'avenir, malgré nous, doit toujours devenir. D'amour inespéré, imaginé, inavoué. Dans la vie, aucun jour n'est pareil, tu t'ennuies. Tu attends le soleil impatiemment, éperdument, passionnément. Destiné, depuis longtemps j'avais deviné. Qu'à toi l'amour allait m'enchaîner. Quand je rencontrerai quelque part ton regard destiné. Où es-tu toi qui m'es destiné? Si jamais vous vous reconnaissez, je voudrais vous entendre crier, m'appeler l'avenir. Toujours devenir tous nos liens. t'ennuies. Tu attends le soleil impatiemment, éperdument, passionnément. Je suis un clown démaquillé. Le grand rideau vient de se baisser sur l'été destiné. On était tous les deux destinés à voir nos chemins se rencontrer, à s'aimer sans demander pourquoi. Llega así de esta manera, no tiene la culpa. Caballo le dan sabana, porque muy despreciado. Por eso no te perdono llorar. Ese amor llega así. Cité Radio. Il est 17h. Pas de doute, la France est une terre de lait. Et plus que jamais, la filière laitière s'engage pour une alimentation plus durable. Comment ? En diminuant son impact environnemental, en maintenant et en créant des emplois dans les territoires et en proposant des produits bons, sains et sûrs pour une alimentation équilibrée et accessible. Découvrez nos engagements pour une alimentation durable et notre démarche de progrès collective sur le site franceterredelait.fr. Une information financée avec l'aide de l'Union européenne. Le DAB+, c'est la radio qui fait sa révolution numérique avec une qualité optimale et des services nouveaux. Passez au DAB+ et appréciez les avantages de la radio numérique gratuite car sans abonnement. Alors n'attendez plus, un poste DAB+, en voilà une belle idée de cadeau. J'aime ma radio en FM, je vais adorer l'écouter en DAB+. Une nuit, le téléphone a sonné. On nous a annoncé le décès de notre fille Jeanne dans un accident de voiture. 10 ans ont passé. En souvenir de Jeanne, et pour qu'un jour la route ne tue plus, nous avons fait un leg à l'association Prévention Routière. Aujourd'hui, nous savons que notre combat contre l'insécurité routière continuera après nous. Faire un leg, une donation ou souscrire une assurance vie au profit de l'association Prévention Routière, c'est transmettre des routes plus sûres. Pour agir, rendez-vous sur le site préventionroutière.asso.fr. Nous, à Cité Radio, on ne fera pas de vous un clown de talent ou produire un spectacle de funambule à vous couper le souffle. Oh non, j'ai tout raté mon numéro. Je suis passé un sale quart d'heure. mais grâce à notre site citéradio.fr, on vous garantit de l'info locale, de la culture et de la bonne humeur et la possibilité de nous écouter 24h sur 24 où que vous soyez. Et ça, c'est déjà pas mal. Citéradio.fr, le site de la positive info. Bienvenue dans cette émission dédiée au métier du journalisme. Aujourd'hui, je suis avec Anaïs Gerbeau, journaliste à l'Union, un journal quotidien qui couvre l'Aisne, la Marne ainsi que les Ardennes. Bonjour Anaïs. Bonjour, merci de m'avoir invité. Alors ensemble, nous allons parler de votre métier de journaliste et des assises du journalisme qui se tiennent du 27 mars au 1er avril 2023 à Tours, dont le thème est retrouver le goût de l'info. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, alors donc j'ai 35 ans, je suis journaliste à l'Union donc depuis presque 10 ans, notamment à Soissons depuis 2016. Et donc j'ai fait auparavant l'école de journalisme de Toulouse et beaucoup de stages dans les médias nationaux et locaux. Et j'ai donc participé au jury des Assises de journalisme en 2010. Les Assises, c'est pas quelque chose d'inconnu, loin de là. Ouais, je suis revenue depuis, donc ça me rappelle des souvenirs. Ouais. Alors vous travaillez donc pour l'Union. Alors ici, vu qu'on est une radio qui couvre la Touraine, c'est vrai que voilà, l'Aisne, la Marne, les Ardennes, c'est pas des régions qui nous disent quelque chose. Ouais. Est-ce que vous pouvez présenter ce média ? Alors donc c'est un quotidien local qui fait partie du groupe Rossel, donc le groupe belge Rossel qui est d'abord implanté en Belgique et qui a implanté aussi beaucoup dans le nord et le nord-est de la France. Donc c'est voilà, Rossel l'a racheté en 2012 et donc depuis on travaille au sein de ce groupe avec la même ligne éditoriale et des standards qui se rejoignent, qui se correspondent. Alors, combien de personnes travaillent à l'Union ? Combien de journalistes déjà ? En tant que journaliste, on est entre 120 et 125. Après, le nombre de salariés au total, je ne l'ai pas. Mais 125, ça permet voilà, de couvrir une grande partie des territoires que vous couvrez. C'est ça, oui. Alors, la situation de la presse écrite aujourd'hui en France, elle est assez compliquée. Hein. Voilà, il y a moins en moins de personnes qui la lisent, mais est-ce qu'elle est aussi lue ? Il y a une faible baisse ou par rapport à quelques années ? Oui, il y a une baisse constante en fait, hein, qui dure depuis plus de 10 ans, on va dire. Je sais pas les chiffres exacts, mais ça fait déjà longtemps qu'on constate ce phénomène. Malgré tout, on fait le maximum, on met le maximum de moyens pour être lu davantage sur les formats numériques, parce qu'on a quand même des lecteurs qui se tournent vers ce format, qui lisent le journal en PDF sur l'application, enfin en tout cas sur la liseuse, et qui aussi sont consommateurs de beaucoup de vidéos, de beaucoup de contenus multimédia. Donc on essaye de mener cette transition au mieux. Et les chiffres sur le numérique, ils sont encourageants ? Oui. Alors c'est pas encore assez rentable pour résoudre la crise qu'on vit, hein, que tous les médias écrits vivent, mais c'est encourageant. Quand est-ce que vous êtes arrivé à ce poste de journaliste ? Alors donc je suis arrivée en 2016 à Soissons, puis je me suis spécialisée comme éditrice print et web il y a un an, presque 2 ans maintenant. Et donc vous couvrez quel secteur à l'Union ? Donc l'Union, c'est sur les 3 départements, comme vous l'avez expliqué, l'Aisne, les Ardennes et la Marne. Sachant que dans le nord de l'Aisne, on est aussi il y a aussi l'Aisne Nouvelle qui fait partie du même groupe qui est très présente sur le nord et le nord du département. Ouais. Et donc vos missions, c'est de couvrir l'actualité locale, ce qui se passe justement dans ces départements-là. C'est ça, on a en charge une zone géographique et on couvre toute l'actualité, tous les sujets dont on parle dans le quotidien, donc sur des supports maintenant qui se développent avec de plus en plus de vidéos. Alors qu'est-ce qui vous plaît justement dans ce travail de journaliste ? Moi, ce qui me plaît, qui m'a fait faire ce métier, c'est que les journées sont jamais les mêmes, qu'on rencontre du monde, qu'on apprend tous les jours sur plein de sujets, qu'on doit aller chercher les infos, fouiller, décrypter et rendre l'info la plus lisible, enfin la plus compréhensible pour les lecteurs. Donc c'est ce travail-là aussi qui me plaît. C'est ce qui vous a fait choisir la presse écrite plutôt que d'autres médias, que ce soit la radio ou la télévision, ou c'était une opportunité ? Non, c'était un vrai choix parce que moi, j'étais pas à l'aise en radio et en télé. C'est personnel, hein, mais je trouvais qu'il y avait plus de contraintes techniques, avoir la bonne personne qui puisse parler pendant sur la télé ou la radio. Alors, je trouve qu'en presse écrite, c'est plus simple. Sans qu'on ait forcément la personne qui parle en son nom de pouvoir quand même réaliser l'article. Alors on va parler de votre parcours. Quelles études vous avez faites avant d'en arriver à ce poste de journaliste à l'Union ? Alors moi je suis originaire de Limoges. J'ai commencé après le bac par une licence de philosophie à Poitiers, en sciences humaines on va dire. Et ensuite, j'ai préparé les concours des écoles de journalisme et j'ai été diplômée de l'école de journalisme de Toulouse. Est-ce que le journalisme, c'était une vocation dès le départ ? Oui, tout à fait. J'ai commencé à y penser au lycée et petit à petit, je suis vraiment partie assez vite là-dessus en m'orientant vers une filière qui me plaisait pour avoir la licence préalable nécessaire pour les concours. Et en ayant vraiment tout un plan en tête pour pouvoir y arriver. Donc après avoir été diplômé de l'école de journalisme de Toulouse, vous êtes directement rentré à l'Union, c'est ça ? Alors non, pas tout à fait. J'ai fait une petite pause. J'ai fait un service civique volontaire européen pendant 6 mois, donc pour améliorer mon anglais et puis pour avoir une autre expérience avant d'entrer dans la vie active. Et puis au retour, je suis entrée à l'Union à mon retour. Alors concernant le journalisme, est-ce que vous trouvez que c'est un milieu plutôt facile ou que ça c'est plus difficile ces dernières années pour avoir sa place ? Alors je travaille depuis 10 ans, donc j'ai pas énormément de recul. J'ai l'impression que les attaques à la presse sont plus récurrentes et plus violentes quand même. C'est ça que je trouve difficile. Et aussi bien des politiques de tous bords que des citoyens. Et dans le milieu, pour rentrer dans les écoles justement, est-ce que c'est plus compliqué ? Alors, je ne pense pas, non. Parce qu'il y a aussi de plus en plus de formations. Donc même s'il y a beaucoup de candidats, il y a quand même de plus en plus de formations qui sont diplômantes. L'offre s'est diversifiée en fait. Oui, voilà. Et donc, cette année, le thème à l'honneur des Assises du journalisme, c'est retrouver le goût de l'info. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Je pense que pour retrouver le goût de l'info, il faut faire davantage d'enquêtes, de terrain, de décryptage, d'exploitation de la data, des données qui sont à notre disposition en plus. Donc, je pense qu'en mettant les moyens sur tout ça et aussi en faisant l'effort de produire des contenus multimédias et interactifs, c'est comme ça, je pense, qu'on pourra redonner le goût de l'info aux lecteurs et à ceux qui nous écoutent. Parce que selon vous, on l'a perdu, ce goût de l'info, aujourd'hui ? Je pense pas. Je pense que les gens ont peut-être un petit peu plus de difficultés, surtout depuis le Covid, à avoir beaucoup d'infos au quotidien, en direct, s'ils ont parfois du mal à se couper. Peut-être que ça crée parfois de l'anxiété et que les gens ont des difficultés peut-être à... Enfin, peut-être que... Voilà, moi j'entends ça beaucoup autour de moi, que les gens coupent des infos à cause de ça. Donc c'est aussi un moyen peut-être de retrouver le goût de l'info, c'est de aussi axer sur des choses positives et des infos sourcées et des infos sérieuses. Et ça, c'est quelque chose que vous constatez dans votre travail, mais également au quotidien, quand vous n'êtes pas justement au travail. Oui, tout à fait. Je pense aussi qu'il faut qu'on aille davantage vers Sur les territoires hors de Paris aussi, je pense que moi je le constate, c'est que les gens ont besoin de savoir aussi ce qui se passe à côté de chez eux, de décentraliser un petit peu le traitement de l'info peut-être. C'est parce que les gens ont tendance à, voilà, l'info trop parisienne, c'est justement ce qui les éloigne de l'info. Ben, en tout cas, ça peut parfois donner une vision pas tout à fait globale et entière de la réalité peut-être. Et justement, ce goût de l'info, est-ce qu'il touche une catégorie de personnes en particulier, alors que ce soit les jeunes, les moins jeunes, ou c'est plutôt global ? Je pense que ça touche peut-être les plus jeunes et des personnes jusqu'au cinquantenaire. Parce qu'on a, nous, nos lecteurs sont encore beaucoup des personnes qui atteignent les 50, 60 ans. Que je pense qu'il faut cibler les plus jeunes. Et justement, vous essayez par le numérique d'attirer une nouvelle catégorie de population avec l'Union. Oui, voilà, c'est ça. Alors justement, comment on fait pour garder ce goût de l'info ? Voilà, c'est le développement du numérique, il faut axer sur ça ? Oui, je pense, avec les contenus multimédia, avec la vidéo. On a presque tous un smartphone où on regarde des vidéos quotidiennement. C'est un support qui est vraiment en pleine croissance. Et ça passe aussi par les podcasts, par des infographies interactives, enfin, vraiment le multimédia au sens large. Alors pour conclure, est-ce que vous avez des conseils à donner à des jeunes qui voudraient se lancer dans le journalisme et qui peut-être n'oseraient pas ? Alors, oui. Je pense que c'est important de se former à tous les supports, justement, pour retrouver ce qu'on a expliqué, ce que j'ai expliqué. Savoir travailler donc sur différents médias. Quand on est en presse écrite, c'est aussi important de. Maintenant, c'est essentiel de savoir faire des prises de vue, de savoir faire un minimum de montage vidéo. Et puis être très curieux, beaucoup lire la presse, regarder des documentaires. S'intéresser à un maximum de sujets et de gens. Et quels sont les enjeux du métier de journaliste pour les années à venir, selon vous ? Ben, les enjeux, je pense que c'est d'apporter des clés de compréhension aux gens, des clés de compréhension de l'actualité, parce qu'on a quand même une explosion des fake news et des médias qui cherchent à, parfois de propagande, qui cherchent à orienter des opinions. On a aussi beaucoup de dérives complotistes, sectaires. Donc, je pense qu'on a vraiment un rôle de contre-pouvoir à jouer là-dessus. Là, on constate que l'intelligence artificielle et les robots prennent de plus en plus de place. Donc c'est ça aussi qui pourrait donner le goût de l'info. Je pense que c'est de savoir que les robots vont savoir maintenant écrire des articles, rebâtonner des dépêches. Donc on va devoir vraiment insister sur la valeur ajoutée. Parce que moi, quand j'étais jury aux Assises du journalisme en 2010, l'article qu'on avait primé, c'était « Attention, les robots vont être capables d'écrire des articles, déjà. » Et ça pouvait paraître fou à l'époque, et aujourd'hui, on se rend compte que c'est la réalité. Oui, c'était de la science-fiction, presque, à l'époque. Vous bataillez, tous journalistes, peu importe le média, peu importe le support, contre justement cette intelligence artificielle. Ça peut être un avantage comme un handicap et même un danger. Alors, je ne dirais pas un danger, mais il faut savoir que ça existe et qu'on va... certaines tâches qu'on fait aujourd'hui vont être faites par des robots. Mmh. Il faut en tenir compte pour à la fois s'en servir et puis faire des choses à valeur ajoutée, quoi. Eh bien parfait, merci beaucoup Anaïs Gerbaud d'avoir accepté de répondre à nos questions et d'avoir partagé vos réflexions sur le thème des Assises du journalisme. Je rappelle donc que vous êtes journaliste à l'Union, un quotidien qui couvre l'Aisne, la Marne ainsi que les Ardennes. Merci beaucoup Anaïs. Merci à vous. Belle journée à l'écoute de CT Radio, un grand merci à tous d'être en notre compagnie. Les bons plans arrivent dans quelques petites minutes, ne bougez surtout pas et tout de suite, retour de la musique. Il y a des ombres dont je t'aime. pas que de l'amour, pas que ça. Des traces de temps qui traînent. Y a du contrat dans ces mots-là. Tu dis l'amour à son langage. Et moi, les mots ne servent à rien. S'il te faut des phrases en otage, comme un seau sur un parchemin. Alors sache que je sache-le. Sache que je ni à mourir dans je t'aime. Il y a je ne vois plus que toi. Ces poèmes, ne plus lire que ces rimes à soi. Un malhonnête stratagème, ces trois mots-là n'affirment pas. Il y a une question, non, je t'aime. Demande même tu, toi. Alors sache que je sache-le. Sache que belle journée à l'écoute de Cité Radio. On est parti pour un quart d'heure d'idées sorties en Touraine et de musique française. Et ça démarre tout de suite avec le premier bon plan. Cité Radio, les bons plans. Le mardi 14 novembre, rendez-vous à l'espace Malraux de Jouer les Tours pour découvrir Duel Reality. La troupe Les Sept Doigts propose une relecture acrobatique de Roméo et Juliette, la célèbre pièce de William Shakespeare. Ici, l'histoire d'amour entre les deux protagonistes est ramenée à l'essence pure de son conflit et la scène devient une véritable arène de sport. Le public assiste alors à l'opposition de deux groupes érigés l'un contre l'autre par défaut et mus par le désir de se surpasser. Au-delà de la provocation et du conflit, se dessine l'image de nos deux amants maudits. La compétition est un jeu, mais elle peut aussi devenir dangereusement sérieuse. Préparez-vous à en prendre plein les